Les trois engloutissements. La signification d'un engloutissement. On dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre, d'où le verset « فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ » Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Sourate Al-Qasas, verset 81. Les trois engloutissements qui font partie des signes de la fin des temps ont été cités dans des hadiths parlant des grands signes. Les preuves de la sunna de leur arrivée. Hudhayfa ibn Asid radhiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyez 10 signes et 3 engloutissements. Un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique. » Salama radhiyallahu anha rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Il y aura après moi un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique. Je demandais, ô messager d'Allah, la terre s'enlisera-t-elle alors qu'il s'y trouve des vertueux? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, si ses habitants répandent la corruption. Rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat. Ont-ils déjà eu lieu? Ces trois engloutissements n'ont pas encore eu lieu, tout comme les autres signes majeurs dont aucun n'est encore apparu, même si certains savants pensent qu'ils se sont produits comme Al-Sharif al-Barzanji. Mais en réalité, rien de cela ne s'est encore produit jusqu'à aujourd'hui. Certes, certains engloutissements ont eu lieu dans divers endroits et à des époques éloignées, ce qui fait partie des petits signes de l'heure. Quant à ces trois engloutissements, ils seront surprenants et s'étaleront sur une grande surface terrestre en Orient, en Occident et dans la péninsule arabique. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Des engloutissements se sont produits dans certains lieux, mais il est fort probable que les trois engloutissements soient d'une ampleur supérieure à ceux qui se sont déjà produits, en sorte qu'ils soient plus importants dans la superficie ou l'intensité. » Cela est en outre appuyé par le hadith soulignant que cela arrivera lorsque la corruption abondera et que les péchés se répandront parmi les gens et Allah sait mieux. La fumée. L'apparition de la fumée à la fin des temps est l'un des grands signes annonciateurs de l'heure. Cela est prouvé par le Coran et la Sunna. Les preuves de son apparition dans le Coran. Allah Azawajel dit « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Sourate Ad-Dukhan, versets 10 et 11. Cela signifie « Attends-toi, ô Muhammad, quant à ces mécréants, au jour où le ciel apportera une fumée visible et claire qui couvrira les gens et les enveloppera. Alors on leur dira, c'est un châtiment douloureux par reproche et blâme à leur égard. Ou bien, certains diront cela à d'autres. Concernant la signification de cette fumée, si cela s'est produit et si cela fait partie des signes à attendre, les savants ont deux avis. Premièrement, cette fumée est ce qui avait touché Quraysh comme peine et faim lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua contre eux quand ils se sont détournés de son appel. Ils se mirent donc à voir dans le ciel une sorte de fumée. C'est l'avis que soutient Abdallah ibn Mas'ud, radhiyallahu an, suivi par un certain nombre de prédécesseurs. Il dit « 5 choses se sont produites. L'inévitable, les Romains, la grande violence, la scission de la lune et la fumée. » Lorsqu'un homme venu de Kinda parla de cet événement en disant qu'une fumée viendrait au jour de la résurrection, prenant l'ouïe et la vue des hypocrites, Ibn Mas'ud, radhiyallahu an, se mit en colère et dit « Celui qui sait, qu'il parle. Mais celui qui ne sait pas, qu'il dise « Allah sait mieux. » Car c'est un savoir que de dire lorsque l'on ignore « Je ne sais pas. » Allah dit à son prophète « Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. » Surat Sa'd, verset 86. En effet, les Quraysh refusèrent l'islam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua contre eux et dit « Ô Allah, aide-moi contre eux avec 7 années de famine identiques aux 7 de Youssouf. Et une famine de les saisir jusqu'à les anéantir et à ce qu'ils mangent des cadavres et des os. De plus, l'homme voyait entre le ciel et la terre comme une sorte de fumée. C'est l'avis que fait prévaloir également Ibn Jarir al-Tabari qui dit « Car Allah, loué soit sa majesté, promit une fumée aux polythéistes de Quraysh et dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. » Sourate Ad-Dukhan, verset 10. Ceci dans le contexte du discours d'Allah adressé aux mécréants de Quraysh et d'une réprimande faite à leur égard à cause de leur association. Il dit « Point de divinité à part lui, Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Surat ad-Dukhan, versets 8 et 9. Ensuite, il fit suivre cela par une parole adressée à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, lui ordonnant donc de patienter jusqu'à ce que son châtiment les saisisse, et menaçant les polythéistes. Si cela est donc une promesse, il est plus certain qu'il l'ait avancée pour qu'elle touche ceci plutôt que de la reporter à d'autres queues. Deuxièmement, la fumée fait partie des signes à attendre, c'est un fait qui ne s'est pas encore produit et qui aura lieu à proximité de la venue de l'heure. C'est l'avis d'Ibn Abbas, certains compagnons et tabi'in. Ibn Jarir al-Tabari et Ibn Abi Hatim rapportent d'après Abdullah ibn Abi Mulaika qu'il a dit. Je me rendis un matin chez Ibn Abbas, qui dit « Je n'ai pas dormi cette nuit jusqu'au matin. » Je demandai « Pourquoi ?» Il répondit « Ils disent qu'une comète est apparue, et j'ai eu peur que ce soit la fumée qui se manifeste, donc je n'ai pas dormi jusqu'au matin. » Ibn Kathir, rahimahullah, dit « La chaîne de transmission est authentique jusqu'à Ibn Abbas, l'érudit de la communauté et l'exégète du Coran. Tel est l'avis de ceux qui sont d'accord avec lui parmi les compagnons et les tabi'in. » En plus des hadiths authentiques, fiables et autres attribués au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Preuve suffisante et claire montrant que la fumée fait partie des signes à attendre. C'est d'ailleurs ce que le Coran indique. Allah azawajal dit « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. » C'est-à-dire, manifeste et claire, que tout le monde verra. Par contre, ce qu'a expliqué Ibn Mas'ud radhiyallahu an n'était en fait qu'une vision qu'ils avaient eue à cause de la faim et de la fatigue. Sa parole qui couvrira les gens signifie qu'il les couvrira et les touchera tous. Mais s'il s'agissait de quelque chose d'imaginaire qui ne concerne que les polythéistes de la Mecque, il n'aurait pas été dit qu'il couvrira les gens. Il est rapporté dans les deux sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Sayyad « Je t'ai caché quelque chose ». Et Ibn Sayyad dit répondre « C'est ad-dur ». « Ah si, dit le prophète, tu ne peux aller au-delà de tes limites ». En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait caché le verset « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible ». Ceci constitue donc la preuve que la fumée fait partie des signes à venir, car Ibn Sayyad était un juif de Médine et ce fait n'eut lieu qu'après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. En outre, les hadiths authentiques stipulent que la fumée fait partie des grands signes de la fin des temps, comme nous allons le voir. Quant à l'exégèse d'Ibn Mas'ud, radiyallahu an, il s'agit de son avis et la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur celle attribuée aux compagnons. Rien n'empêche que lorsque ce signe se produira, ils diront « Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. » Alors il sera dissipé, puis ils retourneront à leurs méfaits, cela aura lieu peu avant la résurrection. Certains savants ont fait la conciliation entre ces informations en disant qu'il y a deux fumées. L'une est apparue, mais pas l'autre. Il s'agit de celle qui se manifestera à la fin des temps. Quant à celle qui est apparue, c'est celle que vit Quraysh ressemblant à une fumée. Cette fumée n'est pas la véritable qui se manifestera après l'apparition des signes précurseurs de l'heure. Al-Qurtubi rahimahullah dit, Mujahid a dit, Ibn Mas'ud disait, « Il y a deux fumées dont l'une est apparue et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre. Le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume, tandis que pour le mécréant, elle transpercera ses oreilles. » Ibn Jarir, rahimahullah, dit « Bref, il n'est guère impensable que cela ait touché les mécréants auxquels cette menace avait été promise et qu'une fumée touchera à l'avenir d'autres qui viendront selon les informations rapportées d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Car ces informations rapportées du prophète montrent que cela eut lieu. C'est ce qui est rapporté par Abdallah ibn Mas'ud. Les deux informations rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont donc authentiques. Les preuves de la sunna. Nous avons déjà vu certains hadiths prouvant l'apparition de la fumée à la fin des temps. Nous rajouterons ici ces quelques textes pour preuve. Abu Huraira radhiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant six choses, le faux messie, la fumée, jusqu'à la fin du hadith. » Apporté par Muslim. Dans le hadith de Hudayfa, radhiyallahu an, concernant les grands signes de la fin des temps, on trouve la fumée. Abu Malik al-Ash'ari radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Votre Seigneur vous met en garde contre trois choses. La fumée qui prendra le croyant comme un rhume et qui prendra le mécréant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles. Le lever du soleil de son couchant. Le lever du soleil de son couchant fait partie des grands signes de l'heure et cela est prouvé dans le Coran et la Sunna. Les preuves du Coran, Allah Azza wa Jal dit: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Surat al-An'am, verset 158. Les hadiths authentiques prouvent que les certains signes cités dans le verset désignent le lever du soleil de son couchant, c'est d'ailleurs l'avis de la plupart des exégètes. At-Tabari rahimahullah dit après avoir cité les avis des exégètes au sujet de ce verset: La parole la plus proche de la vérité est celle tirée des informations rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il a dit: Cela sera lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Ash-Shawkani dit: Si l'attribution de cette exégèse prophétique s'avère authentique, sans la moindre critique, il incombe de la faire prévaloir et il est impératif de l'accepter. Les preuves de la Sunna. Les ahadiths prouvant le lever du soleil de son couchant sont nombreux, dont en voici une partie. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront tous, mais ce, lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que deux grandes troupes se combattent, et jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, tous croiront, et ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant six choses. Le lever du soleil de son couchant. Rapporté par Muslim. Nous avons vu le hadith de Hudayf ibn Asid concernant les grands signes de la fin des temps, dont le lever du soleil de son couchant. Abdullah ibn Amr, radiallahu an, rapporte: J'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un hadith que je n'ai pas encore oublié. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Certes, le premier des signes à apparaître est le lever du soleil de son couchant. Rapporté par Ahmed. Abu Dhar, radiallahu an, rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Savez-vous où va ce soleil? Ils répondirent: Allah et son messager savent mieux. Il poursuivit: Il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit: Lève-toi, retourne d'où tu es venu. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, puis il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit: Lève-toi, retourne d'où tu es venu. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit, jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône et qu'il lui soit dit: Dresse-toi, lève-toi au matin de ton couchant. Il se lèvera alors du matin de son couchant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: Savez-vous quand cela aura lieu? Ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Rapporté par Muslim. Discussion du rejet du hadith d'Abu Dhar par Rachid Rida. Rachid Rida mentionna le hadith précédent et nota que son texte figure parmi ceux qui sont les plus problématiques. Il dit au sujet de sa chaîne de transmission: Ce hadith est rapporté par les deux shir d'après Ibrahim ibn Yazid ibn Shurayk al-Taymi, d'après Abu Dhar. Celui-ci, Ibrahim, est, même si jugé fiable par certains savants, un dissimulateur de transmetteurs. L'imam Ahmed rahimahullah dit: Il n'a pas rencontré Abu Dhar. Ad-Daraqoutni dit, il n'a entendu ni de Hafsa, ni de Aïcha et n'a pas connu leur époque. Ibn al-Madini dit, il n'a entendu ni de Ali, ni d'Ibn Abbas. Il cita cela dans Tahdhib al-Tahdhib. Autre que cela a été rapporté d'après ceci sans certitude que le transmetteur l'ait entendu d'eux ou pas. Il est donc probable que celui qui le lui a rapporté d'eux ne soit pas de confiance. Et si certaines versions des deux Sahih et des Sunan comportent de tels défauts, sans oublier la possibilité d'incorporation d'histoires israélites et d'erreurs de retranscription par le sens, que dire au sujet de ce que les deux Shirs ont délaissé ainsi que les auteurs de Sunan? Voici ce qu'a dit le Shir Mohamed Rashid Rida, rahimahullah. Ces propos sont très dangereux et constituent une atteinte aux hadiths confirmés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une mise en doute de leur authenticité, surtout ce qui se trouve dans les deux Sahih que la communauté a unanimement accepté. Si seulement il avait analysé de manière correcte la chaîne de transmission de ce hadith, s'il avait préservé son texte du défaut qu'il lui impute et suivi ce qu'ont dit ses prédécesseurs parmi les savants érudits, ayant cru à ce qui est confirmé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne se chargeant guère de ce dont ils n'ont aucune science et attribuant au dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sens correct et premier du hadith. Abu Sulayman al-Khattabi dit à propos de sa parole, son gîte sous le trône, nous ne réfutons pas qu'il puisse avoir une halte sous le trône de sorte que nous ne pouvons la concevoir ni la voir. Nous avons reçu une information au sujet de l'invisible, alors nous ne la démentons pas, ni ne la décrivons, car notre savoir ne peut l'englober. Il dit ensuite au sujet de la prosternation sous le trône, il y a en cela une information au sujet de la prosternation du soleil sous le trône. Il n'est donc pas inconcevable que cela se fasse lors de l'arrivée près du trône, au cours de sa course et selon les dispositions qui lui ont été octroyées. Quant à sa parole, gloire et pureté à lui, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Il s'agit de la limite de la vue qu'on en a au moment de son coucher, tandis que sa progression sous le trône pour se prosterner se produit après le coucher. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit « Quant à la prosternation du soleil, cela se fait selon un discernement et une conception créée par Allah à cet effet. » Ibn Kathir rahimahullah dit « Se prosterne devant sa majesté toute chose, bon gré et mal gré. » Et la prosternation de toute chose se fait d'une façon qui lui est propre. Ibn Hajar rahimahullah dit « Le sens littéral du hadith est que l'arrêt au gîte signifie qu'il se produit chaque jour et nuit au moment de sa prosternation et qu'un mouvement perpétuel désigné comme étant la course va de pair avec cet arrêt. Et Allah sait mieux. » Quoi qu'il en soit, le sujet ne concerne pas la halte du soleil ni sa prosternation. J'ai simplement voulu démontrer que le hadith d'Abu Dhar, radiyallahu anhu, ne présente aucun problème au niveau de son texte, comme le prétend Rashid Rida, et que les savants l'ont accepté et ont expliqué son sens. Quant à sa critique au niveau de la chaîne de transmission du hadith, c'est une erreur de sa part, car la chaîne de transmission est continue selon la transmission de rapporteurs de confiance. Quant à la dissimulation de transmetteurs d'Ibrahim ibn Yazid al-Taymi qu'il a cité, et le fait qu'il n'a rencontré ni Abu Dhar, ni Hafsa, ni Aïcha, radiyallahu anhum, et qu'il n'a pas vécu à leur époque, on y répond de la sorte. Dans la chaîne des rapporteurs du hadith, il n'y a aucune transmission d'Ibrahim ibn Yazid al-Taymi d'après Abu Dhar. En fait, la chaîne de transmission, comme mentionné par Al-Bukhari et Muslim, comporte la narration d'Ibrahim ibn Yazid al-Taymi d'après son père, d'après Abu Dhar. Le père d'Ibrahim est Yazid ibn Shurayk al-Taymi. Il a rapporté d'après Omar, Ali, Abu Dhar, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Et son fils, Ibrahim, a rapporté de lui ainsi qu'Ibrahim al-Nakha'i et d'autres. Abu Musa al-Madini dit « On dit qu'il a vécu l'époque de l'ignorance. Il est jugé de confiance par Ibn Ma'in, Ibn Hibban, Ibn Sa'd, Ibn Hajar et d'autres. » Ibrahim ibn Yazid déclare clairement avoir entendu le récit de son père Yazid. Comme mentionné dans la version de Muslim, il dit en effet « Younous nous a rapporté d'après Ibrahim ibn Yazid al-Taymi qu'il a entendu, d'après ce que je sais de son père, d'après Abu Dhar. » Aussi, lorsqu'un rapporteur de confiance déclare clairement avoir entendu le récit d'un rapporteur, sa narration est acceptée, comme cela est indiqué dans la science de la terminologie du hadith.